premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des homosexualités. Aujourd'hui, peut-on parler d'homosexualité dans l'Antiquité ? Demain, nous nous intéresserons dans notre émission d'archives aux archives des mouvements LGBT, mercredi à l'homosexualité et aux colonies, jeudi dans le documentaire à la naissance d'un quartier gay parisien, Le Marais. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir l'historienne Sandra Boringer, maîtresse de conférences en histoire grecque à l'université de Strasbourg, auteur en 2007 aux belles lettres de l'homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque et romaine. Elle a participé également à la rédaction d'un chapitre, le chapitre sur l'Antiquité, dans l'ouvrage collectif dirigé par Sylvie Stenberg qui vient tout juste de paraître aux éditions des presses universitaires de France sur une histoire des sexualités. Avec elle et grâce à des textes qui seront lus par Elsa Dupuis, nous allons nous demander pourquoi il est anachronique de parler d'homosexualité en Grèce et dans la Rome antique. Il me semble pareil aux dieux. L'homme, quel qu'il soit, assis face à toi, et qui tout près entend tes douces paroles et ton rire enchanteur. Et cela bouleverse en moi mon cœur, car un seul regard vers toi, et je ne puis plus parler. Ma langue se brise, un feu subtil se répand sous ma peau, mes yeux ne voient plus, mes oreilles bourdonnent, une sueur glacée m'enveloppe, un tremblement me saisit tout entière. Je suis plus verte que l'herbe et me sens près de mourir. Bonjour Sandra Boringer. Bonjour. Merci d'être notre invitée ce matin, d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission d'une série de quatre consacrée à l'histoire des homosexualités. Vous êtes donc maîtresse de conférences à l'université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste de l'homosexualité féminine et masculine également dans l'Antiquité. Et vous nous avez fourni les textes qui sont lus par dans cette émission par Elsa Dupuis. Et ce texte, évidemment, c'est le texte de Sappho, très connu. Alors, il fait partie d'un ensemble de textes très fragmentaires. Il date du 6e siècle avant notre ère. Et ce texte-là permet d'approcher quoi exactement? Quand Sappho dit « Il me semble pareil au Dieu, l'homme, quel qu'il soit, assis face à toi et qui tout près entend tes douces paroles et ton rire enchanteur ». Ben déjà, ce poème, j'ai choisi parce que c'est un poème dont la perspective a traversé les siècles, c'est-à-dire qu'il a marqué la culture de Louise Labbé à Racine jusqu'à nos jours, parce que Sappho y décrit les symptômes de l'amour sur le corps. Et lorsqu'on entend ce poème, puisqu'il en réalité il n'était pas du tout composé pour être lu, mais pour être chanté, donc il faudrait même de la musique, un contexte de performance vraiment particulier sur l'île de Lesbos, avec les températures adéquates, etc. Donc il y a véritablement un contexte. Eh bien, on l'entend, il n'y a pas de spécificité ou de caractérisation sur en ce qui concerne le sexe de la personne qui aime ou le sexe de la personne aimée. C'est-à-dire, on voit les marques du féminin, mais lorsqu'on entend ce poème, d'une certaine manière, on sent qu'il peut traverser les siècles, et d'ailleurs ça a été le cas, puisque Racine reprend quasiment mot pour mot différents vers dans sa Phèdre, lorsque Phèdre avoue son émoi, lorsqu'elle voit Hippolyte pour la première fois, et quand elle dit « je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue », etc., ben justement sa voix se brise, c'est ce qui vient de se passer, et son corps est transformé. Donc ce poème a véritablement transformé la façon de percevoir le corps amoureux, et en même temps, il met en perspective le fait que cet élan érotique n'est pas sexué. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un poème redécouvert à la Renaissance. Vous l'avez cité par Louise Labbé ou encore repris par Racine, dans un contexte évidemment tout autre que celui de sa conception. C'est-à-dire que là, on est dans une société chrétienne, une société donc qui est forgée par le christianisme depuis presque un millénaire, au moment où les uns et les autres reprennent ce poème. Ils le reprennent dans un autre contexte, et pourtant, il dit autre chose que ce que dit Racine. Enfin, il dit la même chose, mais d'une autre manière, d'une certaine façon, Sandra Bohringer. Ben, disons qu'à l'époque archaïque, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle d'amour, on parle en particulier des symptômes sur le corps amoureux en général et de façon non sexuée, ce qui fait que cela peut être repris et adapté dans d'autres contextes, dans la mesure où, justement, nous sommes dans des sociétés d'avant l'homosexualité, d'avant l'hétérosexualité, et donc de ce fait, il y a ici quelque chose d'une sorte de fluidité dans les catégories qui permet la reprise de ce poème dans des contextes où, pour le coup, les catégories sont un peu plus nettes. Oui, il y a d'ailleurs un ouvrage de 1980, je crois, qui s'intitule Before Sexuality, qui explique effectivement que tout ce que l'on a voulu voir dans la sexualité antique, que ça soit des érudits du 19e siècle, romantiques ou post-romantiques, que ça soit des militants des minorités sexuelles plus tard, dans les années de la libération sexuelle après 1968, non pas est faux, mais d'une certaine façon est biaisé, parce qu'il faut se replacer dans un contexte où même ce terme de sexualité ne dit pas la même chose que ce que ça dit chez nous, en l'occurrence Sandra Bohringer. Oui, en effet, le titre de l'ouvrage, c'est Before Sexuality. Et effectivement, c'est une édition de plusieurs colloques qui se sont déroulés durant les années 80 aux États-Unis, avec en particulier John Winkler, David Halperin et Froma Zeitlin, qui sont les pionniers dans le champ de la recherche sur la sexualité dans l'Antiquité. Et ce qui les a intéressés, c'était de déconstruire non seulement la catégorie homosexualité et hétérosexualité, mais aussi de montrer que l'Antiquité, c'est un monde d'avant même le dispositif de sexualité. Alors, dans les années 80, c'est aussi le moment où Michel Foucault réfléchit à ces questions-là. Il a déjà écrit en 1976 La volonté de savoir, qui montre un départ à des catégories. Donc, quand on voit comment se forment les catégories de la sexualité, les catégories d'un savoir sur le sexe, puis plus tard, fin 19e, les catégories de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, quand on voit que ça apparaît à cette époque-là, on se dit forcément, avant, eh bien c'est avant. Avant, ça n'existe pas. Et effectivement, le terme de sexualité lui-même, si on cherche son équivalent dans l'Antiquité, on ne le trouvera pas. Il n'y a pas de terme lui-même qui renvoie à ce que nous nous mettons dans la sexualité, à savoir non seulement des identités, non seulement des actes, non seulement des pratiques sexuelles, mais l'ensemble d'un dispositif qui dit quelque chose de nous. En fait, actuellement, et c'est ce que montre Michel Foucault, la sexualité s'est venue se loger dans au cœur de notre vie psychique, d'une certaine manière. Ça fait partie de nous et on se définit à la fois par rapport à notre identité de sexe, homme, femme, et aussi, finalement, par rapport à ce que l'on a nommé au début du XXe siècle l'orientation sexuelle, qui vient, à partir du sexe du partenaire, dire quelque chose de nous par une orientation qui viendrait préciser si on est dans les normes ou non, si on est déviant ou non, etc. Et donc, ces formes de catégorisation bien précise, bien définie par la médecine, par la loi au cours du 19e, eh bien, n'existe pas dans le monde antique. Et vous dites, par exemple, en ouverture de cet ouvrage collectif, donc dont vous êtes occupé pour la partie de l'Antiquité, une histoire des sexualités, avec l'érection de Sylvie Stenberg, mais également avec Christine Barr, Gabriel Loubre et Didier Lette, vous dites, il ne faut pas chercher de catégories fixes et immuables qui correspondraient à nos propres catégories dans cette Antiquité que vous connaissez bien, dont vous êtes spécialiste, aussi bien dans la Grèce antique qu'à Rome, par exemple, comme on aurait pu le faire, le mariage d'amour en Grèce ancienne, dites-vous, ou encore la communauté gay à Rome, ça, on ne peut pas le faire, ça, d'une certaine façon, ou en tout cas, on pratique, disons, un anachronisme assez grave et assez dangereux qu'on a pratiqué auparavant, parfois. Alors, Nicole Leroux parlait d'un anachronisme contrôlé. C'est à partir du moment où on sait qu'on est anachronique, pour le coup, ça, on peut avancer. Mais effectivement, en fait, on est tout un groupe de chercheurs, Claude Calame, Florence Dupont et d'autres, à vouloir utiliser les méthodes de l'anthropologie. En fait, il y a évidemment les méthodes de l'histoire, mais dans la mesure où nous travaillons souvent, dans le cas de textes archaïques ou d'époque classique, à des textes qui n'étaient pas des textes, qui étaient des chants, qui étaient en réalité quelque chose qui était... Des poèmes méliques. Voilà, exactement, la poésie, mais aussi des discours qui étaient composés pour être dits et pas du tout pour être écrits. Donc on est dans un monde d'avant la littérature. Eh bien, on a besoin d'utiliser d'autres outils. Et finalement, parfois, les outils des anthropologues s'approchaient davantage ou pouvaient nous être utiles à un moment donné. Et en anthropologie, ce qui est intéressant, c'est de définir les catégories de départ pour mieux faire apparaître les catégories d'arrivée, celles des Grecs et des Romains, sans écraser avec nos questions, avec nos catégories, ce qui fait l'exotisme et la spécificité des sociétés étudiées. Et justement, le terme de catégorie soluble ou de catégorie fluide peut être utile parce que on accepte de poser la question de l'homosexualité, hein, les livres s'appellent « Histoire des sexualités » ou « L'homosexualité dedans », c'est la question du présent. Mais quand on a conscience que c'est une question du présent, Il faut d'abord dire que ça n'est pas le cas et repartir de ce qu'on trouve dans les textes d'une certaine façon. On a conscience de ça et on n'écrase pas d'autres sociétés différentes avec des catégories de nos sociétés occidentales. D'autant que quand on parle nous-mêmes, effectivement, de parler de l'homosexualité dans la Grèce antique et à Rome, on a bien conscience que ces sociétés ne sont pas homogènes, que vous êtes obligé dans ce chapitre et dans d'autres travaux de séparer effectivement ce qui tient de la Grèce et ce qui tient de Rome, et que même en Grèce, entre le 6e ou 7e siècle avant mettons le 2e avant ou le 1er avant, au moment où Rome prend la prédominance sur l'ensemble du bassin méditerranéen, ça n'est pas la même chose, les pratiques ne sont pas exactement les mêmes, en l'occurrence Sandra Bruinger. Là, à nouveau, c'est la pratique de l'anthropologue, c'est-à-dire on va à un moment donné, on se dit, on étudie pas une société sur 6 siècles, mais on va à un moment donné, dans un contexte de performance particulier, savoir quand est-ce que ce texte ou ce discours a été dit, ce que cela signifie et quelles sont les catégories que cela met au jour. Et on voit des différences entre ce qui se passe à Sparte, à l'époque archaïque telle qu'elle est imaginée par Plutarque, ce qui se passe à Athènes ou ce qui se passe à Rome. Donc effectivement, chaque fois, un effort de contextualisation qui évite en fait les discours universaux, les catégories immuables, les fameuses approches hors histoire qui sont à l'origine de pas mal de confusion dans les débats actuels sur les questions de sexualité. Oui, comme on l'a longtemps fait, par exemple, en parlant de l'amour grec, ou du vice grec, en l'occurrence, dites-vous, Sandra Bruinger, d'une certaine façon, en catégorisant une fois pour toutes le rapport, par exemple, des hommes entre eux et des hommes avec les plus jeunes dans la société grecque classique, sans imaginer que ça puisse être différent du côté de Sparte, du côté d'Athènes ou dans d'autres endroits de cette Grèce antique, et surtout à des périodes différentes. En fait, on a beaucoup de clichés ou d'idées toutes faites sur l'Antiquité, souvent à partir d'un texte ou d'un autre texte, qu'on a figé et dont on imagine que ça vaut pour la totalité. Donc l'amour grec, évidemment, ça renvoie à l'imaginaire contemporain de la pédérastie grecque, qu'on peut réinterroger, qu'on peut discuter, qu'on peut véritablement constater dans certains contextes et pas du tout dans d'autres. Et cela dit, juste pour revenir avec ce rapport à la Grèce, cet imaginaire grec, cet amour grec ou cet amour saphique aussi, puisque l'amour lesbien doit son nom à l'île de Lesbos où vivait Sappho, certains chercheurs ou aussi certains militants rappellent aussi l'intérêt de lieux imaginaires pour permettre la lutte aujourd'hui. Donc on ne veut pas tout à fait rompre le fil, mais il s'agit aussi de rappeler que c'est un fil imaginaire. Donc c'est là, ça a nourri une culture à un moment donné, ça a un rôle. On ne veut pas supprimer comme ça Ganymède ou Sappho en disant... Des générations de représentations, pourrait-on dire, il ne faut pas les supprimer. Mais les historiciser, voilà, les rappeler à quel moment c'est apparu dans l'imaginaire, à quel moment il a fallu aussi aux communautés gays, opprimées, d'essayer de penser à un passé ou se souvenir, se dire qu'à un moment donné, ils étaient ou admis ou reconnus, alors que c'était pas ils, que ce n'est pas une même identité. Mais il y a un moment donné où c'est important. Et David Halperin dit d'ailleurs une phrase très intéressante, il dit « l'identité gay est à la fois politiquement catastrophique et politiquement nécessaire ». C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est nécessaire, une stratégie à un moment donné, et à un autre moment où faire croire qu'il y a une identité gay tout comme il y aurait une identité hétérosexuelle hors histoire, ça n'existe pas. Oui, et vous parliez tout à l'heure de textes qui nous renseignent, qui nous informent. Ce sont des textes qui parfois sont difficiles à comprendre. Par exemple, cet extrait très célèbre du Banquet de Platon dans la traduction de Luc Brisson, un texte qui date du début du 4e siècle avant notre ère. Chacun d'entre nous est donc la moitié complémentaire d'un être humain. Puisqu'il a été coupé à la façon des sols, un seul être en produisant deux. Sans cesse donc, chacun est à la recherche de sa moitié complémentaire. Aussi, tous ceux des mâles qui sont une coupure de ce composé qui était alors appelé androgyne, recherchent-ils l'amour des femmes. Et c'est de cette espèce que proviennent la plupart des maris qui trompent leurs femmes, et pareillement toutes les femmes qui recherchent l'amour des hommes et qui trompent leurs maris. En revanche, toutes les femmes qui sont une coupure de femmes ne prêtent pas la moindre attention aux hommes. Au contraire, c'est plutôt vers les femmes qu'elles sont tournées. Et c'est de cette espèce que proviennent les hétaéristriaï. Tous ceux enfin qui sont une coupure de mâles recherchent aussi l'amour des mâles. Tout le temps qu'ils restent de jeunes garçons, comme ce sont de petites tranches de mâles, ils recherchent l'amour des mâles et ils prennent plaisir à coucher avec des mâles et à s'unir à eux. Parmi les garçons et les adolescents, ceux-là sont les meilleurs, car ce sont eux qui, par nature, sont au plus haut point des mâles. Certaines personnes, bien sûr, disent que ce sont des impudiques, mais elles ont tort. Ce n'est pas par impudicité qu'ils se comportent ainsi, non. C'est leur hardiesse, leur virilité et leur allure mâle qui font qu'ils recherchent avec empressement ce qui leur ressemble. En voici une preuve éclatante. Les mâles de cette espèce sont les seuls, en effet, qui, parvenus à maturité, s'engagent dans la politique. Un extrait du banquet de Platon, lu par Elsa Dupuis, avec vous, Sandra Boringer. Je rappelle que nous sommes dans une émission, la première d'une série d'émissions consacrée à l'histoire des homosexualités dans la fabrique de l'histoire. Et nous parlons de ce concept difficile à appliquer, mais parfois heuristique, comme on dit, qui peut donner des effets de l'homosexualité ou des homosexualités dans le monde antique, grec et romain, dont vous êtes la spécialiste. Alors voilà un texte de Platon, souvent cité, parfois mal compris, c'est Aristophane, le comique Aristophane, l'auteur comique Aristophane, qui s'exprime dans ce banquet de Platon en expliquant ses théories des sphères et des divisions, la création d'un, entre guillemets, mythe androgyne. En quoi est-il intéressant ce texte pour le propos que nous tenons aujourd'hui avec vous, Sandra Boringer? Alors déjà, ça met aussi, on voit là aussi les erreurs parfois dans la réception, puisque effectivement, cette histoire est connue sous le nom de mythe de l'androgyne. Il y a pas mal de choses à déconstruire déjà. Déjà, c'est pas un mythe dans la mesure où les Grecs ne croyaient pas du tout à ce mythe, pas plus qu'ils ne pensaient que le mythe de la caverne de Platon existait. Pour eux, Héraclès est bien important, Zeus également. Ici, c'est une histoire inventée par un comique à l'intérieur même d'un dialogue plein d'humour, puisque Platon est un auteur effectivement toujours plein d'humour. Et il fait raconter à Aristophane, à un moment particulier de ce banquet, où on a décidé qu'on boirait un petit peu moins et qu'on ferait des éloges d'Eros, Aristophane ne fait pas l'éloge, commence à raconter une histoire assez loufoque. Donc déjà, pas de mythe et donc pas cette importance que l'on pourrait donner avec la distance à ce que nous appelons aujourd'hui mythe. C'est un mythe platonicien, mais là, c'est utilisé dans le contexte de la philosophie. Et ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, si on écoute bien l'histoire, il s'agit d'expliquer l'origine des élans érotiques. Et ici, l'origine des élans érotiques vient du fait qu'on a coupé trois boules. La boule mâle, la boule femelle et la boule androgène. Ce qui fait que ça explique l'attirance des hommes pour les hommes, l'attirance des femmes pour les femmes et l'attirance des hommes pour les femmes et inversement. Donc finalement, c'est pas du tout le mythe de l'androgyne, c'est l'histoire des trois boules. Une histoire loufoque inventée pour expliquer comment, c'est un mythe étiologique qui explique les origines, une fiction de mythe étiologique qui explique comment on arrive à Athènes, dans l'Athènes de Platon, au fait que l'élan érotique se formule de ces manières-là. Et à ce moment-là, c'est important pour Platon de placer cette description précisément là, parce qu'il s'agit pour lui de préparer le fameux discours de Diotime, qui est le fameux passage où sont décrits les différentes étapes pour arriver à la philosophie, donc l'amour des beaux corps, puis ensuite des belles âmes, puis des belles idées. Et donc ici, il s'agit précisément de détacher l'élan du sexe du partenaire ou du corps. Et donc c'est véritablement, et ça c'est Aristophane qui le dit sous la plume de Platon, c'est à cette recherche que l'on donne le nom d'Eros. Oui, alors c'est cela qui est intéressant, c'est qu'effectivement cet Eros que l'on imagine en Dieu, en divinité, c'est aussi une sorte de pulsion, de désir, d'élan qui envahit la personne amoureuse. Et cela dès Sappho dont on parlait tout à l'heure. En l'occurrence, déjà, elle décrit cela comme le vent dans les montagnes s'abat sur les chênes, dit-elle par exemple, Sandra Boringer. Oui, c'est un très beau vers de Sappho qui reprend en plus le vocabulaire homérique, épique, très, très émouvant, très fort, et finalement on décrit tout ce que le corps peut ressentir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette conception d'Eros, donc sans E majuscule, c'est pas le dieu, mais c'est vraiment la notion, c'est Eros qui représente ou qui dit l'impact sur la personne amoureuse de ce sentiment amoureux. Et donc, Eros défait ce que nous pensions lire clairement entre actif-passif, dominant-dominé. Très souvent, avec la pédérastie grecque, avec les discours sur la Grèce ancienne, voire les discours contemporains sur passif-actif, dominant-dominé, etc., on a l'image, pour l'Antiquité grecque que l'amour grec serait un homme actif qui aurait des relations avec quelqu'un qui serait passif, qui serait plus jeune, qui serait soumis, etc. Et en fait, avec cette conception d'Eros, telle qu'on la voit chantée par les poètes de l'époque archaïque, hein, qu'il s'agisse de Sappho, mais c'est aussi le cas du poète Théognis au VIe siècle, on retrouve ça sous la plume d'Anacréon, c'est véritablement que la personne qui aime se retrouve en situation passive par rapport à Eros qui l'envahit. Donc en fait, il y a un retournement aussi, et on n'est plus du tout dans ces catégories qui nous semblaient figées et qui nous semblaient parler de domination. En fait, Eros, c'est un sentiment qui rend la personne passive et qui aussi, et ça c'est important, qui la met en mouvement. Et vous avez dit un mot très important, vous avez dit le terme de pulsion, et je veux revenir à ce fameux passage de Platon, parce que c'est ce passage-là qui a motivé une interprétation chez Freud, dans les trois essais sur la théorie sexuelle, en 1905. Il s'intéresse à cette histoire, alors lui il parle du mythe de l'androgyne, il parle de cette fable homme-femme, mais en même temps il a sous les yeux, on le sait, hein, l'histoire des trois boules. Et c'est véritablement comme image, il va se référer à ce mythe, à ces parties qui se cherchent, et ce mouvement qu'il va créer ou qu'il va penser, la question de la pulsion de vie, la pulsion de mort, dans sa pensée. Et cet Eros donc, qui met en mouvement les personnes qui d'une certaine façon sont désarmées face à cet Eros, provoque aussi chez elles la volonté d'être dans une sorte d'égalité, même si au départ cette notion d'égalité n'est pas fondamentale, puisqu'il y a évidemment des conditions sociales qui sont différentes, il y a des conditions entre hommes et femmes ou entre hommes et hommes qui ne sont pas les mêmes, et vous dites qu'en fait ce à quoi aspire la personne qui est saisie par cet Eros, c'est la réciprocité qui s'appelle en grec la philotès. Qu'est-ce que cela veut dire justement que cette aspiration à la réciprocité avec l'être aimé justement, quand on est saisi par cet Eros qui vous bouleverse d'une certaine façon? Alors la plupart des poèmes qui nous sont parvenus, c'est effectivement l'espoir d'une réciprocité, d'un don ou d'un contre-don, de on donne quelque chose, on reçoit, et qui va amener une forme d'égalité, alors même que les relations souvent sont pensées en termes d'inégalité sociale. Dissymétrique. Totalement dissymétrique. Donc il reste une dissymétrie dans la pensée de la relation érotique chez les Grecs, mais elle est, déconstruite parfois par cette demande de réciprocité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette demande ou dans cette attente, parce que les poèmes de Sappho disent beaucoup le manque, le souvenir du passé, avec des images lumineuses de rencontres avec une femme, ou alors l'attente de quelque chose qui va se passer. Donc on est très souvent dans la question du manque. Donc on est véritablement dans l'attente de quelque chose de l'ordre d'une philotesse qui ne se produit pas. Donc à nouveau, ça inverse les relations qu'on pourrait imaginer d'ici. Alors, il faut peut-être aborder des questions que nos auditeurs et nos auditrices ont sûrement en tête, effectivement, qui sont liées aux pratiques sexuelles dans cette Grèce antique, tout en disant bien, effectivement, qu'entre le 7e avant et, par exemple, le début de notre ère, il y a sûrement des nuances à apporter. Et en disant aussi que les textes sur lesquels vous pouvez, en tant qu'historienne, vous fonder, sont assez peu nombreux, qu'il faut évidemment les interpréter parce qu'ils ne sont pas données comme telles. Ce ne sont pas, par exemple, des jugements devant un tribunal pour dire la norme c'est ceci ou la norme c'est cela, comme on peut l'avoir fait pour le Moyen-Âge ou pour les époques plus récentes, en l'occurrence Sandra Boringer. De toute façon, qu'il s'agisse d'homosexualité féminine, masculine, de sexualité en général, ou bien d'autres questions pour l'histoire ancienne, on doit faire face à un corpus réduit, ou parfois même s'il n'est pas réduit, dont on a perdu le contexte. On a parfois des textes de procès et on ne connaît pas l'issue. Donc avec ça, voilà. Donc c'est les tristes, les difficiles conditions des chercheurs en histoire ancienne. Mais surtout, effectivement, dans beaucoup de textes du moins, on a accès à des normes dont on ne connaît pas forcément la force ou on ne sait pas forcément à quel point elles s'appliquent dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est comme John Winkler parlait de savoir s'il s'agissait de savoir si c'est comme un sens interdit ou comme ce que dit le pape aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des normes? On les entend? Dans quelle mesure est-ce qu'elles viennent traverser nos vies? C'est aussi autre chose. Et alors là, pour le coup, on doit pratiquer une sorte d'histoire against the grain, un peu à la façon des subaltern studies, c'est-à-dire qu'on va lire dans des textes dont le but n'est pas de nous dire cela, essayer de trouver des indices qui nous permettent de savoir qu'il se passe ça, que cela se passait comme ça, que c'était admis. On a parfois des procès, on a un procès, un contre Simon, où où le plaignant se plaint parce qu'il a été pour, parce que il y a eu une bataille de rue avec quelqu'un qui lui a ravi son petit ami, et puis il y a eu des échanges assez violents, et de fait le procès est sur l'échange violent, mais lors du procès tous deux admettent qu'ils se battaient l'un l'autre pour l'amour d'un garçon. Donc c'est à travers un procès pour fait de violence que l'on apprend qu'en fait voilà, on pouvait se disputer dans les rues d'Athènes à l'époque classique par jalousie. Et donc on voit bien effectivement qu'il y a des pratiques qui sont admises à Athènes par exemple, le sont-elles en même temps à Sparte, ou est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on peut le savoir, ça, d'une certaine façon, Sandra Boringer? Alors, les sources sur Sparte sont complexes parce que très souvent elles nous proviennent, enfin quasiment tout le temps, elles nous proviennent de l'extérieur de Sparte, et en particulier avec la fameuse ville Lycurgue de Plutarque, donc largement postérieure, avec aussi une idéalisation des comportements. Voilà, il y a une description des relations qui est probablement peut-être trop stylisée par rapport à ce que dit Plutarque, mais qui renvoie à quelque chose dont on a trace à l'époque archaïque à Sparte par un autre texte que Plutarque, un texte d'époque. C'est un poème, ce sont des poèmes d'Alcman. Alcman est un poète spartiate du 7e siècle avant notre ère, qui composait des parthénées, donc des chants pour des jeunes filles. Claude Calame a beaucoup travaillé sur ces poèmes, il les a traduits, il les a édités. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que dans ces poèmes, donc, qui sont des sources directes, on voit que ce cœur de jeune fille chante devant la cité réunie, fait tout d'abord mention des grandes figures tutélaires de la cité, donc il y a une dimension politique visible, et elles continuent à chanter, et dans leur chant, à la première ou à la deuxième personne, tout à coup, elles expriment le sentiment érotique que leur inspire leur chef de cœur, qui est une femme. Donc, Astu Meloïssa, qui d'ailleurs ne leur répond pas. Et il y a aussi cette attente qu'on retrouve dans le poème de Sappho. Mais ce qui est fascinant, je trouve, dans ces poèmes-là, qui sont des poèmes officiels, c'est le fait que l'on puisse chanter la force d'Eros pour célébrer aussi tout ce qui fait communauté dans une cité. Et donc, vous parliez de Plutarque, qui rapporte donc bien plus tard, au 1er siècle de notre ère, ce qu'était la Sparte du 6e siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, dans la traduction de Robert Flacelière et Émile Chambry. Et Émile Chambry, c'est donc une traduction ancienne, en l'occurrence, on l'écoute, lue par Elsa Dupuis. Parvenus à l'âge de 12 ans, les jeunes gens qui avaient bonne renommée trouvaient des amants qui s'attachaient à eux. Les vieillards, de leur côté, les surveillaient davantage, se rendaient souvent dans les gymnases et assistaient à leurs luttes et aux railleries qu'ils s'adressaient entre eux. Et loin de n'exercer qu'un contrôle superficiel, ils se regardaient tous en quelque manière comme les pères, les surveillants et les chefs de tous les jeunes. Les amants partageaient la bonne et la mauvaise réputation des enfants. Et l'on rapporte qu'un jour, un enfant ayant laissé échapper en se battant un mot qui témoignait de la bassesse d'âme, c'est son amant qui fut puni par les magistrats. Alors que l'amour était tellement en honneur chez eux que les femmes les plus honnêtes s'y éprenaient elles-mêmes des jeunes filles, on n'y connaissait pas pourtant la rivalité passionnelle. Ceux qui étaient épris des mêmes enfants étaient plutôt portés ainsi à s'aimer entre eux, et ils ne cessaient de s'appliquer en commun à rendre celui qu'ils aimaient aussi bon que possible. Un extrait de la vie de Lycurgue de Plutarque, un texte du 1er siècle de notre ère qui décrit supposément une vie à Sparte, une vie spartiate du 6e siècle avant. Il y a donc 7 siècles d'écart entre l'écriture de ce texte et les faits qui sont rapportés ici, et qui donc peut nous poser des questions sur les rêves aussi d'un Plutarque et de l'Empire romain sur ce qu'était justement la vie entre guillemets sexuelle. On a bien compris que ce terme-là n'était pas utilisé véritablement pour l'Antiquité avec vous, Sandra Boringer. Mais néanmoins, que dit-il ce texte sur ces jeunes gens, sur cet amour entre amants, hommes, entre eux en particulier, et également cette rivalité qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de ces jeunes garçons ? Alors, ce qui est intéressant ici, on voit bien le contrepoint avec la scène que je décrivais précédemment à Athènes, où les amants pouvaient se battre pour l'amour d'un garçon. Alors qu'ici, ce que tient à souligner plus tard qu'avant tout, c'est les qualités, les vertus de cette législation qui a été mise en place par Lycurgue dans une Sparte archaïque, peut-être probablement aussi un peu fantasmée, mais plus tard qu'ABC Source. Donc je pense qu'il y a clairement quelque chose de l'ordre d'une régulation des relations érotiques, d'une réflexion, ça c'est clair, sur l'éducation des jeunes gens. Ici, ce que souligne Plutarque, c'est véritablement la dimension éducative d'Eros. C'est quelque chose qui aide à rendre meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important à souligner, je souhaite souligner quelque chose d'important aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'ici c'est éducatif que l'homosexualité, entre guillemets, puisqu'elle n'existe pas en tant que catégorie, que les relations entre personnes de même sexe avaient pour fonction d'être éducatives dans l'Antiquité. Et il y a eu un grand malentendu autour de ces questions-là. On a pensé que c'était des pratiques initiatiques, par exemple. Voilà, donc il y a eu à la fois... Alors, il y a des contextes où cela peut fonctionner. On a des textes où, effectivement, cela s'approche de types de rituels qu'on peut trouver à d'autres périodes dans d'autres sociétés. Donc, mais la relation d'un homme avec ce qu'on appelait les païdès, donc les plus jeunes, en l'occurrence, les jeunes adolescents, longtemps, on a cru, pouvait correspondre à ces pratiques initiatiques pour faire entrer ces adolescents dans le monde des adultes, ou leur permettre de rentrer dans le monde des adultes. Et effectivement, on a un texte de Strabon qui rapporte via l'historien Éphore la vie en Crète, qui raconte à peu près ce qui pourrait s'apparenter à des rituels initiatiques, enlèvement d'un jeune garçon qu'on emmène en dehors de la cité et qu'on ramène ensuite avec des cadeaux, un autre nom. Et effectivement, il y a une transformation de la personne. Mais je pense qu'on a souvent voulu lire ces relations avec les grilles contemporaines. C'est-à-dire que de toute façon, Eros transforme, quoi qu'il en soit, et un bon Eros, dans la meilleure constitution possible, hein, c'est l'eunomia, c'est la bonne constitution telle que veut la pensée de Lycurgue, et surtout telle que Plutarque veut la mettre en valeur dans la pensée de Lycurgue, c'est aussi parvenir à des bonnes relations érotiques qui ne sèment pas le trouble. Alors, ce qui peut semer le trouble dans la vie d'une cité, c'est les problèmes dans les relations familiales, et aussi les relations, ou les problèmes dans les relations érotiques. Donc, c'est une façon aussi d'organiser cela pour permettre le meilleur fonctionnement possible de la cité. Donc c'est une visée politique à un moment donné. Et je pense qu'on ne peut pas dire... Enfin, il s'agit vraiment de faire une différence entre les relations érotiques entre personnes de même sexe et ce contexte-là avec une dimension éducative. Et puis, il faut aussi penser que ce que craignent beaucoup les Grecs de ces époques dites classiques, c'est l'excès. C'est ce qui va déborder et qui débordera le citoyen et par là même va déborder dans la cité et peut-être justement provoquer un déséquilibre à l'intérieur de la cité. Donc il y a aussi cette dimension, il y a des normes qui sont induites mais qu'on ne connaît peu ou qu'on connaît mal d'une certaine façon, mais qui sont juste là pour dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors que ne faut-il pas faire, en l'occurrence, Sandra Boringer? En tout cas, ce qui est clair, c'est que les normes, quand elles portent sur la vie sexuelle, n'ont jamais à voir avec le sexe du partenaire. Ça, je pense que c'est très important, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction d'une pratique spécifique ou d'une relation. Quand on peut avoir des condamnations à un moment donné d'une relation entre un homme et un homme ou entre deux femmes, mais ce n'est pas spécifique, c'est pris dans d'autres évaluations morales qui sont effectivement la condamnation de l'excès. Et ce qui faisait extrêmement peur à Athènes, c'était aussi les dépenses immodérées. C'est-à-dire quand un citoyen gère mal l'argent de son oikos, de sa maisonnée, eh bien c'est aussi le signe qu'il sera incapable de gérer l'argent collectif. Il est pris par ses désirs, d'une certaine façon. Voilà, il est pris dans cet élan-là, mais surtout il peut être manipulé par la personne qu'il aime, et donc ce n'est plus quelqu'un de fiable pour s'investir dans la cité, dans la police. Mais qu'en est-il, par exemple, des questions qu'on a souvent imaginées dans cette Grèce antique entre pénétrer et celui qui pénètre? Par exemple, vous dites dans votre texte sur l'histoire des sexualités, Sandra Boringer, que aimer être pénétré par un autre citoyen, c'était la marque d'une faiblesse. Mais ça n'était pas la marque morale d'un rejet, pourrait-on dire, ou d'un défaut psychologique, mais simplement c'était une faiblesse civique. Qu'est-ce que vous entendez par là, Sandra Boringer? Alors, dis donc déjà, je pense que dans les lectures que beaucoup ont faites de l'érotisme dans l'Antiquité, on a donné une trop grande importance à des critères qui peut-être sont importants aujourd'hui, je ne sais pas, hein, sur la question de la pénétration, de l'activité, de la passivité. Et on a parfois voulu lire cela comme une condamnation de la sodomie, par exemple. Et alors que dans le cas d'un certain procès, en l'occurrence, lorsqu'on parle de fonction politique, on pense au procès de Timarque, donc un procès qui a été mené par Échine, eh bien on lui reproche plutôt de s'être adonné, de s'être prostitué, de ne pas avoir, d'avoir soumis en fait son corps au désir d'un autre citoyen, et donc de ne plus être maître de son corps. Donc c'est davantage ça qui pose problème, et c'est le cas aussi à Rome. Oui, alors, il y a une autre particularité, c'est que si les premiers textes qui évoquent cet héros qui déborde d'une certaine façon sont des textes du VIe siècle et liés à Sappho en particulier, il y a, dites-vous, une perte de traces, pourrait-on dire, de ces amours qu'on appellerait saphiques, entre guillemets, avec les termes du XIXe siècle, tout au long de la période classique et jusqu'au premier ou deuxième siècle avant notre ère, en l'occurrence Sandra Boringer. Alors il y a clairement la présence de Sappho, d'Alcman à l'époque archaïque, et aussi les motifs saphiques que l'on retrouve dans la poésie ensuite. Platon parle des relations érotiques entre femmes. Dans Le Banquet, on le voit ici. Il en parle aussi dans Les Lois. Mais il est vrai qu'à l'époque classique, il y a un silence qui s'abat sur ces formes de relations. Et si on a des vases qui représentent des amours entre hommes, on n'a pas du tout, ou presque pas, de vases qui représenteraient des amours entre femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans les images érotiques qui circulent au Banquet, alors là, il faut se replonger dans le contexte du symposium grec, où on se retrouve, on fait des libations à Dionysos, on est entre soi, c'est-à-dire un groupe de citoyens, donc tous les hommes ne viennent pas, hein, c'est certains hommes qui se retrouvent à un moment donné, et qui, parmi les chants, les discussions, autre chose sympathique du banquet, c'est qu'on fait circuler des coupes dans lesquelles on boit, mais aussi sur lesquelles sont représentées des figures érotiques. Et là, on voit quels sont ce que les Grecs aiment voir, ce que les hommes grecs citoyens aiment voir lorsqu'ils sont ensemble. Et effectivement, on peut être étonné, parce qu'ils adorent voir des couples d'hommes et de femmes faisant l'amour ensemble, et ils adorent voir des couples d'hommes ensemble, soit s'embrassant, soit s'enlaçant, etc. Et ils aiment aussi voir des satyres dans toutes les positions sexuelles, donc le soi-disant interdit de la sodomie ou la pénétration. Voilà, il y a des codes iconographiques, il y a des choses qu'on ne représente pas, mais les satyres, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent sur les images, et pour le coup, le citoyen grec peut les observer avec grand plaisir. Mais effectivement, pas de représentation, en tout cas il ne nous en est pas parvenu pour l'époque classique, de relations érotiques entre femmes. Et qu'est-ce qui nous dit ce qui se passe en l'occurrence à partir du moment où certes les cités grecques continuent à exister, elles existeront encore très profondément dans notre ère, au 3e ou 4e siècle, mais où l'Empire romain ou la Rome républicaine prend le dessus à partir du 2e siècle avant notre ère. Est-ce que ces pratiques, ces façons de voir et de penser ce qu'on appelle maintenant la sexualité sont bousculées par l'arrivée de ces nouveaux conquérants que sont les Romains, ou est-ce qu'il n'y a pas véritablement de bousculade dans cet espace géographique qui correspond à l'est du bassin méditerranéen et à l'ancienne zone d'influence des cités grecques, justement, Sandra Boringer? Il y a évidemment un mélange de cultures à un moment donné, mais en tout cas, puisqu'on parle de Rome, je pense qu'il est important de peut-être de signaler une grande différence entre la Grèce et Rome en termes de normes. C'est véritablement l'interdiction d'une relation érotique entre un ouïr, un adulte citoyen, avec un jeune garçon citoyen, ce qui n'était évidemment pas le cas pour la Grèce. Donc cela ne veut pas du tout dire que l'érotisme ou l'élan érotique des hommes pour les garçons disparaît. Loin de là, on a énormément de poèmes, de situations décrites, que ce soit sur le mode élogieux ou totalement dépréciatif. Mais lorsque c'est chanté, lorsque c'est mis en scène, on suppute, en tout cas il est clair que la personne aimée est un affranchi ou un esclave, et donc de cette façon-là, ce qui est chanté ne va pas contre cette norme de la protection du puer, du corps du garçon. Alors, puisque vous évoquez des poèmes, il y a ceux de Catulle qui datent du 1er siècle avant notre ère. On en écoute un extrait lu par Elsa Dupuis. Si sur tes yeux doux comme miel, Juventus, on me laissait mettre sans relâche mes baisers, j'en mettrais jusqu'à 300 000, et je ne me sentirais jamais rassasié, même si, plus dru que les épis mûrs, était notre moisson de baisers. Alors nous sommes au 1er siècle avant notre ère, Catulle est un poème qui fait donc assaut de vers vis-à-vis d'un certain Juventus, donc dont on vient d'entendre ces vers: si sur tes yeux doux comme miel, Juventus, on me laissait mettre sans relâche mes baisers, j'en mettrais jusqu'à 300 000 et je me sentirais jamais rassasié, même si plus dru que les épis mûrs était notre moisson de baisers. Qu'est-ce que cela dit de ces rapports entre hommes, justement, dans cette Rome républicaine du 1er siècle avant notre ère, en l'occurrence Sandra Boringer? Alors déjà ici, Catulle, qui est donc un précurseur des élégiaques, des poètes élégiaques, Tibulle, Propère, sans suite. Eh bien, tout d'abord, Catulle prend une position, fait un pas de côté par rapport à la poésie qui était reconnue à l'époque, qui était la poésie épique, les guerres, etc. Et là, finalement, on vient à chanter des petits événements de la vie, et surtout des petits événements d'une vie quotidienne que connaissent les Romains, à savoir le banquet civilisé. Donc là, l'idée, c'est de, par ses poèmes plutôt, c'est de rappeler ce que l'on peut vivre dans un banquet où là aussi, entre hommes éduqués, on partage des bons mets, des choses délicieuses à boire, et on se lit des poèmes, et on voit aussi des jeunes garçons, Juventus en est l'un d'eux. Et ici, c'est un petit jeu, en fait, ce poème, c'est si je mets des baisers sur tes yeux, eh bien, le poème s'arrête. Donc il y a aussi tout un jeu avec la pratique même du poème. Si on le fait, il ne peut plus y avoir de poème. Donc est-ce qu'on fait le poème et est-ce qu'on continue à embrasser? Mais j'imagine que pour quelqu'un comme Catulle, qui était très lettré, il avait connaissance évidemment de ce qui s'était passé dans cette Grèce qui avait précédé, et qui était un modèle aussi, même s'il y avait des différences entre cette Rome et la Grèce antique, il y avait tout de même une sorte de regard porté vers cet Orient qui était tout à fait, là aussi, plein de désir et d'amour. Et néanmoins, les relations ne sont pas exactement les mêmes, vous l'avez dit, Sandra Boringer, parce qu'il y a d'autres racines aux pratiques qu'on appellerait sexuelles, donc dans cette Rome républicaine des siècles qui précèdent notre ère. Oui, comme je l'ai dit, les normes effectivement sont plus strictes en ce qui concerne les relations entre hommes, à savoir il n'est pas du tout interdit pour un citoyen d'aimer les beaux corps, il n'est pas interdit de les célébrer, il n'est pas interdit du tout d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées, des affranchies. Ce qui est protégé, c'est le corps de l'enfant. Mais ce qui est très intéressant, et ça c'est véritablement le travail de Florence Dupont et de Thierry Éloi, c'est la façon dont Rome a intégré la Grèce comme un élément érotique à un moment donné de son histoire. Et finalement, quand cet amour devient un peu grec, il devient encore plus érotique. Mmh. Donc c'est un piment, c'est quelque chose en plus. Comme aujourd'hui, on lirait des textes de Sade pour justement pimenter notre imaginaire érotique ou quelque chose comme ça, alors que la société de Sade est une société disparue depuis la Révolution française. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là, en l'occurrence. On peut voir ça sous cet angle-là aussi. En tout cas, ça vient réveiller quelque chose et un souvenir à la fois lettré, mais aussi de cette poésie érotique. On trouve chez les poètes élégiaques des souvenirs de la poésie érotique archaïque. Hein. On retrouve des traces de Sappho dans certains poèmes. Donc ça veut dire que tous ces textes circulaient, et c'est peut-être aussi une différence par rapport aux périodes du 19e siècle qui ont vu naître ces catégories d'homosexualité, d'hétérosexualité, Sandra Boringer, c'est que ces textes, vous l'avez dit, aussi bien dans la Grèce antique qu'à Rome, étaient lus en public, ça n'était pas quelque chose que l'on se passait entre guillemets sous le manteau, donc il y avait évidemment là quelque chose qui montre à l'historienne que vous êtes qu'il y avait, disons, quelque chose de permis à afficher, peut-être même de positif à afficher des textes de cet ordre-là, Sandra Boringer. Surtout, ce qui est intéressant, et vous avez tout à fait raison, c'est que si on regarde ces poèmes, là, nous lisons des poèmes destinés à des garçons, mais Catulle en a fait aussi destinés aux femmes, Propère en a fait destinés aux femmes, Tibulle à des garçons, à des femmes. Rien dans la façon d'écrire, dans la façon de composer, dans le vocabulaire utilisé, ne laisse penser qu'un élan érotique serait différent d'un autre. Donc là, pour le coup, à Rome, c'est comme en Grèce, c'est que cet élan n'est pas sexué en tant que tel. Il vaut pour ce que cela dit de la capacité d'un homme citoyen à profiter des plaisirs à un moment donné. C'est-à-dire que les règles pour Rome sont strictement la question des espaces et des moments où on peut s'autoriser à avoir telle pratique, et d'autres espaces où il est mal vu, par exemple, même d'embrasser sa femme en public. Oui, vous dites un homme citoyen, évidemment, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, qui était une dimension éminemment sociale, qu'il faut toujours rappeler, c'est que les témoignages que nous avons sont des témoignages qui viennent des milieux lettrés, des milieux les plus élevés de la société grecque et des sociétés grecques et de la société romaine, qu'elle soit d'ailleurs société républicaine ou impériale, mais qu'on a très peu de traces, voire pas de traces du tout, de ce qui pouvait se passer dans des endroits qui ne laissaient pas de traces écrites, en particulier Sandra Boringer. Là aussi, la méthode des subaltern studies, avec justement chercher des détails dans des textes qui ne parlent pas de cela, mais pour lesquels on peut avoir des éléments, commence maintenant à laisser apparaître, enfin permettre d'apprendre des choses sur la vie des esclaves, mais rarement sur la vie érotique des esclaves. Mais Pour revenir à la question justement des identités, ce qui est intéressant, c'est que pour les Grecs comme pour les Romains, la première différence entre les individus, pour nous on dirait homme-femme, eh bien la première différence pour les individus, et en ce qui concerne les anciens, c'est de savoir si la personne est libre ou non libre. C'est est-ce que son corps lui appartient ou non. Et c'est pas un slogan féministe justement. Ouais. C'est que voilà, un homme libre dispose de son corps, une femme libre dispose plus ou moins de son corps, mais quand même plus que moins, par rapport aux esclaves qui ne sont pas propriétaires c'est de leur corps. C'est-à-dire que quand on est propriétaire d'un esclave, on peut jouir entre guillemets de son corps parce que c'est sa propriété, et donc il y a cette dimension-là qui est vraie aussi bien d'ailleurs dans la Grèce antique que dans la Rome antique en l'occurrence. Et là par exemple la question contemporaine, hein, une question heuristique, c'est quand on pose la question de la violence sexuelle dans l'Antiquité, ça permet justement de voir quelles sont les personnes vulnérables, quelles sont les personnes qui sont dignes d'être protégées. Et autant dans nos sociétés contemporaines, les personnes vulnérables, ce sont des personnes qui ne sont justement pas dans les couches aisées de la population, et bien dans l'Antiquité, les personnes qu'il s'agit le plus de protéger, qui sont qu'on appellerait vulnérables, sont en fait les citoyens. C'est le corps du citoyen ou de l'enfant citoyen qu'il s'agit de protéger. Pour les esclaves, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est son esclave, il n'y a aucun problème et toute violence sexuelle n'est pas considérée comme une violence sexuelle. Et si c'est l'esclave de quelqu'un d'autre, eh bien, il peut y avoir des dissensions parce qu'on a abîmé le bien d'autrui. Donc on voit clairement que c'est la question du corps qui est au centre de la perception même de l'identité antique, ce qui fait que est deuxième seulement la question de l'identité de sexe et n'existe pas la question de l'orientation sexuelle. Alors présentez-nous Tibulle, dont on va lire par la voix d'Elsa Dupuis une élégie. Qui est-il et le texte que nous allons écouter, de quoi parle-t-il exactement? Alors Tibulle lui aussi a choisi un vers différent du maître épique important. Il choisit le vers élégiaque pour donner quelques conseils pour séduire et garder un garçon. Oh, garde-toi de te confier à la tendre troupe des garçons. Ils ont toujours quelque attrait qui appelle à bon droit l'amour. Celui-ci plaît par son adresse à maîtriser un cheval en serrant les rênes. Celui-là fend l'eau calme de sa poitrine blanche comme la neige. L'un séduit par la fougue de son audace, l'autre par la pudeur virginale répandue sur ses tendres joues. En tout cas, ne va pas te laisser rebuter par un premier refus. Peu à peu, le coup rebelle cédera aux joues. Longueur de temps rend les lions dociles à l'homme. Longueur de temps fait doucement miner la pierre par l'eau. Quelles que soient les fantaisies du garçon qui t'est cher, cède-lui. La complaisance donnera bien souvent la victoire à l'amour. Ne refuse pas de l'accompagner, malgré la longueur de la route et la canicule qui brûle les plaines altérées, malgré le voile bleuâtre et coloré qui s'étend dans le ciel lorsque l'arc pluvieux hâte la venue de l'eau. Veut-il aller en bateau sur l'onde azurée? Pousse toi-même de la rame à travers les flots la barque légère. Un extrait d'une élégie de Tibulle, lue par Elsa Dupuis dans cette émission, donc qui, je rappelle, traite de la question de la catégorie qu'on appelle aujourd'hui homosexualité, mais qui n'était pas appelée comme telle dans la Grèce antique et à Rome. D'ailleurs, c'est une question importante. On a commencé avec vous sur cette question-là, Sandra Boringer. Nous vivons avec, disons, les oripeaux de toutes ces visions successives qu'ont pu avoir la Rome antique de la Grèce antique, mais le christianisme et l'Église, les condamnations qui sont liées à ce que des empereurs comme Constance II, Théodose Ier, mais d'autres empereurs chrétiens avaient pu publier comme loi condamnant justement les relations entre hommes, et puis ensuite évidemment les visions de la Renaissance dont vous parliez, puis ensuite les visions de l'époque moderne et les rêves donc ou les cauchemars pour ceux qui au XIXe siècle ont repensé ces questions de sexualité. Tout cela nous nourrit, nous obscurcit aussi parfois le regard sur ce qui se passait justement dans ces époques anciennes. Alors parfois ce qui est intéressant effectivement c'est d'utiliser l'Antiquité finalement comme une sorte de territoire exotique, peut-être moins le voir sous le mode d'une généalogie ou plutôt d'une linéarité, mais plutôt d'aller voir les réelles différences pour activer un questionnement à partir de l'Antiquité sur la modernité. Comme une terre étrangère. Exactement, c'est ça, c'est vraiment ce voyage qui met en perspective plutôt qu'un fil, parce que finalement, alors Foucault lui s'est intéressé à cette rupture dont vous parliez justement au 1er et 2e siècle après, sur ce qui fait que à un moment donné, ces pratiques de soi, enfin ces pratiques du corps, ces expériences érotiques, puisque c'est véritablement pour l'Antiquité davantage une expérience érotique, sont venues à devenir quelque chose d'important dans le rapport de soi à soi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la sexualité, la façon dont on se conduit avec sa femme, la façon dont on fait l'amour, la façon dont on le fait beaucoup ou moins longtemps, etc., est venue dire quelque chose de nous-mêmes. Comment s'est logé là, hein, au cœur de, je l'avais dit, au cœur de la vie psychique, cette sexualité. Et Michel Foucault a travaillé avec Paul Venn, qui était un de ses amis, mm-hmm. et ils ont étudié, a travaillé sur l'érotisme à Rome en particulier. Sur l'érotisme à Rome et aussi sur justement la famille et l'amour sous le Haut Empire romain. Et ils analysent ce changement, non pas comme dû à la culture chrétienne, mais plutôt à un changement qui commençait déjà à exister dans la société dite païenne, de façon anachronique, mais en tout cas de la société païenne. Donc ce changement-là, Foucault s'y intéresse parce que lui veut travailler véritablement sur la généalogie d'un sujet de désir. Alors moi, je ne suis pas spécialiste des périodes postérieures, mais ce qui me semble plutôt intéressant, avec mes connaissances, avec ce que je peux faire sur l'Antiquité, c'est de montrer à quel point Eros n'était pas pris dans un rapport de soi à soi. Il n'y a pas de question angoissée. On ne se dit pas, on ne compare pas, on n'a pas l'impression que l'amour pour un homme serait moins normal que l'amour pour une femme. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien vues. Vous l'avez dit, l'excès ou les contextes où cela se fait. Et puis aussi, si on fait cela dans type l'adultère ou d'autres types d'interdits. Mais ce n'est pas finalement quelque chose qui va dire quelque chose sur la personne elle-même, sur ça n'est pas une identité. Mais voilà, déjà, ce n'est pas une identité. Et si jamais la personne fait des choses un peu différentes, ça ne sera pas une déviance, ça ne sera pas un anormal. Les gens ne seront pas étiquetés comme ça le sera à partir du 19e siècle pour toute déviance de genre, de façon de s'habiller, etc. Et s'il y a des condamnations, elles sont externes. Frédéric Gros, dans une conclusion d'un cours au Collège de France, utilise une expression intéressante. C'est véritablement une opposition entre une intériorité psychique et une extériorité éthique. Et dans le monde grec, c'est l'extérieur, ce que l'on dit de soi, la façon dont on est parlé par les autres, qui peut avoir ensuite un effet sur la façon dont on se voit ou on se conçoit soi-même. Merci Sandra Boringer de nous avoir permis de comprendre la différence qu'il y avait donc justement entre les catégories que nous utilisons aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines pour parler de sexualité et en particulier d'homosexualité, qui est le terme donc la discussion que nous allons avoir pendant 4 émissions dans la Fabrique de l'Histoire, et de nous avoir montré donc cette grande différence grâce à tous vos travaux. Je rappelle que vous avez travaillé sur l'homosexualité féminine dans la Grèce antique et à Rome. C'était en 2007 aux éditions des Belles Lettres, à bien d'autres ouvrages collectifs, dont le dernier est une histoire des sexualités dirigée par Sylvie Steinberg aux Presses universitaires de France. Merci encore. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Philippe Mercher était avec nous aujourd'hui en technique et Thomas Duterre à la réalisation. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de France Culture. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Et merci à Elsa Dupuis d'avoir lu les textes qui ont été choisis par Sandra Boringer dans une réalisation de Séverine Cassard.